Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107FM. Nous sommes le mercredi 9 juin 2021, il est un peu plus de 14h, il est 14h01 même, c'est Chris, vous êtes dans Fréquence Libre et pour cette nouvelle édition, je reçois dans nos locaux à Saint-Étienne-lès-Remiremont, Morgane Perrot qui est là pour nous parler de son entreprise Rouge Carmin. Donc bonjour Morgane. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien. Parfait. Donc tout d'abord, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, peux-tu te présenter, toi, d'abord, en quelques mots ? Alors, je suis native de Remiremont, j'ai toujours vécu ici, j'ai 27 ans et j'ai créé mon entreprise il y a maintenant 2 ans sur Remiremont. Et j'ai une petite fille de 6 ans, je suis mariée, etc. Enfin, la vie, quoi. D'accord. Et donc, maintenant que tu t'es présentée, peux-tu, pareil, en quelques mots, toujours présenter ton entreprise, du coup, Rouge Carmin ? Alors, mon entreprise, je suis tout simplement prothésiste ongulaire et technicienne en extension de cils depuis septembre. D'accord. Et prothésiste ongulaire, du coup, depuis 2 ans. Voilà. Ok. Donc, à la base, c'était vraiment un salon de prothèses ongulaires ? Oui, c'était juste ça. Et puis, je me suis lancée dans l'extension de cils depuis septembre pour m'étendre un petit peu et puis pouvoir procurer du bien-être à mes clientes. Ok. Donc, je vais te demander quand est-ce que cette entreprise a été créée, mais tu as répondu il y a 2 ans. En juin 2019. Voilà. En combien de temps est-ce que tu l'as créé ? Ça a mis du temps. Entre le moment où j'y ai pensé et le moment où je l'ai fait, il s'est écoulé quelques années pour raison de santé. Parce que quand on est malade, on peut pas assurer, donc ça servait à rien. Et puis après, ça a été mieux, donc je me suis lancée. En un mois, c'était fait. Entre le rendez-vous à la Chambre des métiers et l'immatriculation, c'est un mois. Et pour avoir tes premières clientes ou clients, combien de temps ça a pris à peu près, si tu t'en souviens ? J'ai commencé sur ma table de salon, donc je peux pas dire c'était plutôt les copines ou les copines de des copines. Et puis après, je me suis dit, il faudrait peut-être quand même être dans la légalité, on va dire. Mm-hmm. Hein. Donc je me suis lancée, quoi. Ça est venu petit à petit, c'est le bouche à oreille qui fait le plus de pub. Et donc maintenant, t'es totalement dans la légalité, du coup ? Totalement. D'ailleurs, pourquoi Rouge Carmin ? Alors, Rouge Carmin, tout simplement parce que à la base j'avais un autre nom, c'était M Longlerie, sauf que Longlerie c'est une marque déjà déposée. D'accord. Donc, j'ai pas le droit de l'utiliser. Mm-hmm. Donc j'ai cherché quelque chose qui pouvait donner une identité visuelle et qui comportait pas le mot ongle dedans ou nails ou n'importe pour pouvoir m'étendre dans d'autres choses comme les cils. Et j'aime beaucoup le rouge, donc j'ai pensé à rouge quelque chose et carmin, M-I-N à la fin comme les mains, donc il y a une identité visuelle, il y a une identité de nom avec le main à la fin de carmin, et puis c'est la base de l'esthétique, le rouge à lèvres, le rouge à ongles, voilà, c'est un petit peu vaste. Donc il y a aussi quelque part un jeu de mots entre carmin M-I-N et le rouge carmin M-I-N. C'était même pas voulu. Ah oui ? Oui, c'était rouge carmin M-I-N au début et quand je l'ai tapé sur l'INPI, c'était déjà pris. D'accord. Et là, je me suis mise à pleurer parce que je trouvais pas de nom, j'étais stressée. Et du coup, mon mari m'a dit, mais pourquoi tu mettrais pas M-I-N comme les mains ? Parce que du coup, métier d'ongle, parfait, quoi. Mm-hmm. Donc, j'ai tapé sur l'INPI et c'était bon. Donc, feu. Le lendemain, j'avais rendez-vous à la Chambre des métiers. C'était écrit, c'était acté, signé, puis c'était bon. Voilà, l'INPI, pour nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent, ou l'INPI, c'est l'organisme qui permet de déposer des marques. C'est ça. Je ne sais plus ce que ça veut dire, l'initial. Alors là, je ne saurais plus vous redire. Je l'ai su sur le moment, mais là, non, je ne saurais plus vous redire. Voilà. Du coup, est-ce que tu as une formation dans ce domaine de l'esthétique ? En d'autres termes, quelles études as-tu effectuées pour être là où tu en es aujourd'hui ? Est-ce que c'était des études justement d'esthétique ou pas du tout ? Alors, je vais être totalement transparente. Je ne suis pas formée en prothésie ongulaire. C'est D'accord. un métier totalement autodidacte. J'ai fait 3 ans de prothésie à exercer constamment sur moi tous les jours, 24 heures sur 24 quasiment. J'en dormais presque pas. Enfin, j'étais acharnée. Et vu que c'est un métier accessible et qu'on a le droit de s'immatriculer simplement avec la formation d'auto-entrepreneur, j'ai pris rendez-vous, j'ai fait mes 3 jours que j'ai payé de ma poche du coup. Mmh. Et après, ça a pris 1 an pour que je m'immatricule pour me soigner avant. Mais à la base, je voulais être fleuriste, je voulais même pas être prothésiste. Donc vraiment, ça a été improvisé. Puis à la base c'était que pour moi et la copine qui voit qu'ils sont beaux, tu les as fait où ? C'est moi, tu veux pas me les faire, etc. Ça a créé un engouement et je me suis créé ce métier. Par contre l'extension de cils, oui, là c'est obligatoire d'être formée, donc je me suis auto-financée ma formation en septembre. D'accord, parce qu'il peut y avoir certains risques de, pas peut-être d'infection pour les yeux des clientes si... Dans les deux cas, les ongles, que ce soit les ongles ou les cils, c'est pareil, sauf que là moi je considère presque ça comme un acte chirurgical, on est quand même près de la peau, de la rétine, etc. Donc moi je voulais pas de toute façon m'aventurer là-dedans sans formation, pas du tout. que l'onglerie, j'en ai fait 3 ans vraiment sans formation ou quoi. Là, je suis en train de voir pour faire une formation de perfectionnement, justement, pour pouvoir avoir quand même quelque chose, parce que, forcément, ça dérange, hein. Qu'on soit clair là-dessus. Mais je suis très bien informée au niveau médical. J'ai déjà soigné, j'ai déjà conseillé des clientes sur des infiltrations, des choses qui arrivent, des mycoses ou quoi. Je pose pas quand c'est comme ça. Enfin, je fais pas n'importe quoi non plus. Oui, il y a certaines contre-indications du coup. J'ai pas le droit de couper les peaux. J'ai pas le droit de soigner les peaux. Enfin, il y a des choses que j'ai pas le droit de faire et je les fais pas du coup. On en parlera un petit peu plus tard des contre-indications voilà. Justement. Avec ton entreprise, est-ce que tu as un public cible? En d'autres termes, est-ce que tu vises une tranche d'âge, en particulier, ou est-ce que tout le monde est le bienvenu, que ce soit enfant, ado, adulte, voire même senior? Non, il y a une tranche d'âge, il y a un minimum d'âge à avoir. Parce que il y a la croissance de l'ongle, la matrice, etc. C'est normalement pas recommandé avant 16 ans. Et encore, moi, jusque 18 ans, je propose qu'un vernis semi-permanent, je propose pas de pose gel. Enfin, j'ai trop peur. Je trouve que c'est tôt. Donc, à partir de 16 ans, avec l'autorisation des parents. Mm-hmm. Et encore, entre 16 et 18, j'en ai peut-être deux. Et les parents, je les connais. Hein. Donc, je fais pas n'importe quoi. À partir de 18 ans, puis après, c'est illimité. Hein. J'ai fait les ongles de ma mamie qui a 70 ans. Il n'y a pas d'âge. Selon toi, pour pratiquer justement ton métier de prothésiste angulaire et de pour les cils, je ne sais plus le nom exact, quelles sont les qualités requises, les qualités presque impératives? Alors la principale, je dirais déjà pour l'extension de cils, c'est la patience. C'est extrêmement minutieux. Si vous regardez la taille de votre cil, je pose cil par cil. Donc faut énormément de patience, faut être rigoureux, faut être propre. Surtout en plus en ce moment avec la crise sanitaire, il a fallu avoir des autres méthodes encore plus poussées. Donc hygiène irréprochable au niveau du matériel, des infections, etc. Les pinceaux d'onglerie. Pareil pour l'onglerie, je fais quand même un petit peu de nail art, ça s'appelle, donc dessin sur ongle. Pareil, regardez la taille d'un ongle. Quand il faut dessiner des petites boules de Noël décorées ou des petits rennes ou des choses comme ça, faut avoir une petite maîtrise en dessin aussi. Toutes les prothésistes ne font pas de nail art. Et je dirais qu'il y a un protocole à suivre. Donc, au début, il faut être très rigoureux. Il faut prendre des notes. Il faut faire étape par étape. Il faut s'entraîner. Il faut être acharné, comme dans tout métier. Il faut être acharné pour l'apprendre. Et on la découvre tous les jours. Mm-hmm. Et sinon, l'aspect principal, c'est être sociable, c'est savoir gérer, cadrer la clientèle sans être agressif, c'est savoir se canaliser, c'est savoir se rendre disponible quand c'est une auto-entreprise, parce qu'on est tout seul pour tout gérer. Ok. Voilà. Donc il est 14h09, avant d'aller plus loin, je te propose tout de suite de nous lancer dans une toute première fréquence, comme j'aime à l'appeler, dans une première pause musicale que tu as choisie, et que nous écoutons le célèbre groupe les Red Hot Chili Peppers, avec leur non moins célèbre titre Californication. Pour donner un petit peu les références, comme j'aime bien le faire, cette chanson est plutôt typée rock alternatif, pop rock. Ce sera à peu près les mêmes styles avec les trois pauses musicales de cette émission. Elle est sortie en 1999 et elle est tirée de leur 7e album studio, sorti le mardi 8 juin 1999, album intitulé également Californication. Et cette chanson a d'ailleurs reçu 3 prix en 2000, le MTV Video Music Award de la meilleure réalisation, le MTV Video Music Award de la meilleure direction artistique et le Much Music Video Award du clip international de l'année, pour un total de 10 nominations. Donc on écoute ce morceau des Red Hot Chili Peppers et on se retrouve juste après un peu plus de 5 minutes. Donc à tout de suite. De retour sur Radio Gemozo, vous êtes toujours en direct. Vous nous écoutez sur le 107 FM localement ou sur nos applications mobiles et web, Radio Line ou Orange Radio partout en France. Il est 14h15 et vous venez d'écouter Californication du célèbre groupe les Red Hot Chili Peppers. Vous nous écoutez peut-être chez vous, au travail ou encore sur la route. Si c'est le cas, évidemment, soyez prudents. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Morgane Perrot qui est là pour nous parler de son entreprise Rouge Karma. Ça va toujours ? Oui, très bien. Parfait. Donc nos auditrices et nos auditeurs sont habitués. Je pose toujours cette même question à mes invités après une pause musicale, car je le rappelle, dans Fréquence Libre, je laisse toujours mes invités choisir les pauses musicales à passer pendant l'émission afin que la dite émission leur corresponde le plus possible. Donc pourquoi avoir choisi cette chanson que tout le monde a déjà entendue au moins une fois dans sa vie, Californication ? Alors tout simplement, comme la plupart des gens, je l'ai entendu la première fois pendant mon adolescence. Ça me rappelle un petit peu mes étés, mes 2 mois de grandes vacances. Ça me rappelle beaucoup de personnes qui m'ont aidé à me forger dans la vie et puis qui m'ont aidé à être ce que je suis à cette heure-ci. Et c'est aussi pour ma sœur qui adore cette musique et qui doit m'écouter à cette heure-ci. Ah bah. Elle adore cette musique et voilà, je pense qu'on est un petit peu d'accord sur nos goûts musicaux, un petit peu tout ce qui est rock, etc. Je l'ai un petit peu bercée là-dedans aussi, il faut dire. D'accord. Donc, nous ne l'avons pas encore dit, mais du coup, le nom de ton entreprise, c'est Rouge Carmin. Ça sonne, enfin, si nous l'avons dit, en fait, ça sonne comme la couleur rouge carmin à l'oreille, mais ça ne s'écrit pas pareil. En effet, le mot carmin s'écrit, on va dire normalement, C-A-R-M-I-N. Oui. Mais toi, donc, du coup, tu l'écris grâce justement à ton mari, C-A-R-M-A-I-N. Voilà. M-A-I-N comme la main, la partie du corps. Donc, j'imagine, j'allais te demander si tu as pris cette décision pour rappeler ton domaine d'activité, mais à la base, comme tu disais tout à l'heure, pas du tout. Non, c'était vraiment pour. Enfin, je cherchais un nom, quoi. Et là, c'est tombé par hasard qui est la syllabe main, qui pouvait s'écrire du coup de plusieurs manières. Merci la langue française, qui est un peu compliquée, mais qui là m'a bien rendu service. Et l'avantage, c'est que j'ai déjà une identité visuelle, c'est-à-dire que pour créer mon logo ou quoi que ce soit, j'avais déjà la couleur. Voilà, la question se posait pas. Puis l'identité de mon salon aussi, quand on y va, il y a un aspect bois et rouge, quoi. Beaucoup de déco rouge, etc. D'accord, j'ai vu, je suis allé faire un petit tour sur ta page Facebook en préparant cette émission, oui. Et j'ai vu que tu as mis une photo de la rénovation de ton salon. Oui, voilà. Il a été transformé encore la semaine dernière. Donc voilà, j'ai pas encore eu la chance d'y aller, mais après, cela dit, voilà. Mais peut-être un jour, on sait pas. Avec plaisir. J'ai du café aussi là-bas. Ah, nickel. J'ai rénové une petite armoire là justement pour faire un bar à café. C'est pour ça que ça a été transformé pour rappeler le parquet. J'ai récupéré une armoire qu'une amie m'a donnée. Et encore merci à elle. Et j'ai peint des parties en noir et j'ai fait un bar à café. D'accord. Voilà. Donc si une jeune demoiselle qui m'écoute aimerait m'accompagner, on y va. Justement, on parlait tout à l'heure des problèmes de peau, les différentes choses. Donc quels sont les problèmes, entre guillemets, d'ongles que tu traites quand tes clientes ou tes clients, pourquoi pas, viennent te voir? Alors, j'ai eu qu'un cas jusque-là, par chance, d'une fille qui est venue... à la base, elle allait chez une autre prothésiste et quand j'ai commencé à déposer le gel sur son ongle, j'ai commencé petit à petit à avoir une tache. D'accord. Et là, dans ces cas-là, je pose ma ponceuse, pas le choix, parce que le matériel, sinon il faut tout désinfecter, etc. Enfin, dans tous les cas, je le fais, mais là, quand on sait pas ce que c'est, clairement, faut prendre une lime, et la lime, c'est usage unique, quoi. Faut l'acheter tout de suite après. Et en fait, elle avait une infiltration, donc ça peut arriver à n'importe qui. Même si on respecte tous les protocoles, etc., ça peut arriver à n'importe qui. C'est tout simplement de l'humidité qui se met dans l'ongle, puis ça fait une sorte de mycose verte. Ça fait de la vase, si je peux comparer ça. C'est un peu comme de la vase. Donc là, j'ai enlevé tout le gel et je l'ai incité à faire des bains d'Aquin. Et si pas de progression, consultation chez le médecin. Et au final, elle a fait des bains d'Aquin dilués. Et puis, au bout de 3 mois, on a pu reposer normalement. L'ongle était parfaitement sain. Oui. Sinon, il y a du psoriasis sur les ongles aussi. Eh oui. Là, je peux pas poser. Parce que la plupart du temps, ça s'effrite. Donc... Là, dans les cas-là, malheureusement, il faut un traitement, attendre que ça aille mieux, puis, ou alors des fois, ça ne va pas mieux. Là, on ne peut rien faire, puisque de toute façon, là, il y a un risque d'infiltration aussi. Si l'ongle n'est pas régulé ou quoi, on ne peut rien faire, quoi. Mmh. Bon. Au moins, si vous venez dans ton salon et que vous avez des problèmes de peau, vous aurez quand même du café, c'est mieux que rien. Il n'y a même pas que des problèmes de peau. Il y a aussi, dans le cas des cancers, les personnes qui sont en chimio ou les personnes qui vont se faire opérer, c'est quand même mieux ou de les enlever ou au moins d'en enlever un pour les accouchements ou quoi, pour pouvoir avoir le détecteur cardiaque. Et dans le cas des chimios, il faut souvent vérifier la coloration de l'ongle pour voir que tout se passe bien. Donc là, dans les cas-là, j'ai déjà une cliente qui m'a écrit et là, je l'ai refusé. Si c'était pour l'argent, j'aurais pu l'accepter. Mais là, dans les cas-là, non, c'est question de santé... Donc j'ai préféré qu'elle attende d'être soignée. Et par chance, à cette heure-ci, elle revient depuis 2 ans, puisque elle est soignée justement, donc elle revient. Et c'est un bonheur pour elle d'avoir attendu et de pouvoir faire ses ongles en toute tranquillité maintenant. D'accord, ok. J'ai envie de te poser une question que j'ai empruntée à ma collègue, la Morgane Perrault, enfant. Voulait-elle travailler dans ce milieu ou pas du tout? Pas du tout. Dans le milieu des fleurs, tu m'avais dit tout à l'heure. Oui, je voulais être fleuriste. Ouais. Depuis que je suis rentrée à l'école, en fait, j'avais une passion pour les fleurs et j'ai eu la chance d'avoir des grands-parents qui sont très nature. Très très nature, j'allais aux grenouilles, aux jonquilles, aux lilas, aux champignons, tout. Enfin, je faisais tout avec eux et... Et cette passion des fleurs, elle a été entretenue avec eux. Donc j'ai fait tous mes stages quasiment, à part un où j'ai été forcée d'aller forcément voir ailleurs, découvrir autre chose. Mais tous mes stages, je les ai fait au Cyclamen à Remiremont. D'accord. Avec Eliane, qui m'a très bien accompagnée, qui m'a vue grandir. Et c'est une idée que j'ai dû abandonner parce que j'ai pas eu la chance de pouvoir poursuivre mes études après mon bac pro commerce pour des raisons personnelles. On m'a empêché de poursuivre, donc du coup, après mon bac, j'ai signé ailleurs, on va dire, dans tout à fait autre chose, et j'ai démissionné parce que ça me plaisait pas, et je suis tombée enceinte, je me suis occupée de ma fille, puis maintenant je suis là. Voilà, avec chef d'entreprise, auto-entrepreneur. Oui, avec toujours de l'ambition, et je perds pas de vue les fleurs, j'en fais des fois chez moi, je fais des compos moi-même, enfin, je baisse pas les bras, j'adore, j'en fais une passion, en fait. Il faut. Voilà. D'ailleurs, la pose de prothèses ongulaires et le milieu esthétique en général, est-ce que ce sont deux domaines familiaux où tes frères et sœurs, enfin, tu as une sœur, tu m'as dit tout. Une seule sœur, oui. Est-ce que ta sœur, par exemple, fait partie également de ce domaine ou pas du tout ? Okay. Pas du tout. Non, elle, c'est plus dans l'accompagnement des personnes, insertion sociale, etc. Elle a travaillé aussi à la ludothèque. C'est plus le côté humain que esthétique. Je pense pas qu'elle aurait la patience de faire ce que je fais. Elle me l'a encore dit hier. Je lui ai fait les ongles et les cils hier. Elle aurait pas la patience. Ah ouais? Oui. Ah. On est complètement différentes là-dessus. Et je pensais jamais faire ça non plus. Non. Moi, l'esthétique, pour moi, c'était très loin de mon idée à la base. Que t'es impatiente à la base ou pas forcément? Non, c'est pas de l'impatience. C'est plutôt l'aspect esthétique. À la base, je traînais pas beaucoup avec des filles, moi. D'accord. Parce que on a une mauvaise image des filles. C'est beaucoup les filles chochottes que j'aimais pas. En fait. C'est D'accord. un peu bête, mais voilà. Et du coup, j'avais peur de cet aspect, mais au final, non. J'ai une clientèle assez simple, etc. Je me suis fait des fausses idées, en fait. Mais oui, l'esthétique, ça m'intéressait pas du tout. Le maquillage, coiffure, tout ça, non, j'en voulais pas. Puis au final, je me plais très bien. C'est une passion avant d'être un métier. C'est le plus important. Oui. Donc tout à l'heure, nous parlions du nail art, justement. Donc pour nos auditrices et nos auditeurs, comme tu l'as dit, mais je vais le rappeler, le nail art, c'est tout simplement le domaine qui consiste à faire des dessins sur les ongles. Donc toi, est-ce que il t'arrive de en pratiquer? Oui. Oui, souvent. D'accord. Oui, c'est plutôt demandé. Alors, il y a deux types de clientèle. Il y a celle qui aime pas du tout les fioritures et celle qui adore avoir beaucoup de nail art, etc. Et moi, dans la mesure du possible, quand on me montre une photo, elle me demande si je peux ou pas. Et puis, si je peux, je fais. Si je peux pas, je fais pas. On cherche autre chose. J'ai même un présentoir où j'ai plein de motifs que j'ai déjà fait. Quand elles ont pas d'idée, elles piochent dedans. Voilà, j'essaye un petit peu quand même d'étoffer ma palette, on va dire, entre les couleurs, les motifs. Faut savoir un petit peu savoir tout faire, quoi. Mm-hmm. Donc j'essaye, et puis des fois, si j'y arrive pas, on abandonne. Ça peut arriver, quoi. Mm-hmm. Parce que c'est avec des pinceaux, il y a trois poils dessus. Hein. Ah ouais. ouais, c'est minutieux, donc il y a des fois, j'y arrive pas. Il y a des jours avec et des jours sans aussi. Hein. Bien sûr. Je sais pas, mal dormi ou autre, la concentration, des fois, ça, c'est un peu plus compliqué. Donc, en général, j'y arrive. Et les filles sont très demandeuses de ça. Et c'est rare que je le facture. D'accord. Il y en a qui demandent un tarif. Et moi, quand j'ai le temps, je demande rien en plus parce que ça fait partie de la prestation. Et puis, j'aime bien faire plaisir. Donc, ça me fait plaisir aussi. Du coup, voilà. Mais donc, justement, pour pratiquer le nail art, il faut être très, très, très précis ou précise. Oui. Parce que ça peut... Imagine que tu dérapes, c'est tout raté, quoi. Alors, pas forcément, parce que tant que c'est pas passé dans la machine LED, on peut encore enlever à l'aide de ce qu'on appelle un cleaner. C'est une sorte de dissolvant sans acétone, en fait. On peut retirer. Tant que c'est pas passé sous machine, c'est pas irréversible. D'accord. C'est pas comme le tatouage. Rien à voir. Oui. Donc, il est 14h25. Avant de poursuivre à nouveau, je te propose de nous lancer dans une nouvelle fréquence, dans une deuxième pause musicale que tu as choisie une nouvelle fois, et que nous écoutons cette fois un autre groupe mondialement célèbre, Queen, Freddie Mercury, dont on salue la mémoire, avec leur titre, une nouvelle fois mondialement célèbre, Bohemian Rhapsody. Une nouvelle fois, pour donner les quelques références, cette chanson est plutôt typée opéra rock. Elle est sortie en 1975. Elle est tirée du quatrième album de Queen, intitulé A Night at the Opera, sorti le vendredi 21 novembre 1975. S'en suivront 12 autres albums. Ce titre a été nominé dans 3 catégories, 2 en 1977 et 1 en 1992. D'ailleurs, un film éponyme a également vu le jour en 2018 avec Rami Malek dans le rôle de Freddie Mercury, entre autres. Donc, on écoute ce morceau de Queen et on se retrouve juste après, d'ici

Vous êtes de retour sur Radio Gemozo, vous êtes toujours en direct, il est 14h32, vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur nos applications mobiles et web, Radio Line et ou Orange Radio partout en France. Vous venez d'écouter le groupe Queen avec leur morceau intitulé Bohemian Rhapsody. Nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Morgane Perrault qui est là pour nous parler de son entreprise Rouge Carmin. Est-ce que tu passes un bon moment en notre compagnie Morgane ? Super. Parfait. Donc même question que pour la première fréquence, pourquoi avoir choisi cette chanson de Queen ? Y a-t-il une raison particulière ? Ça signe un petit peu le début de ma renaissance après une histoire très très compliquée quand j'étais plus jeune. D'accord. Je pense que je suis pas passée loin comme on dit et j'ai un ami, hommage à lui, il a mis fin à ses jours il y a quelques années. Il était fan de Queen et des Pink Floyd, du coup j'ai beaucoup hésité. Il m'a sorti d'une histoire où j'ai failli passer, c'est, je dirais même grâce à lui. Donc voilà, je me devais de lui faire un hommage. Entre guillemets, pour le début de ma nouvelle vie à ce moment-là, c'est pour moi, Queen, ça symbolise le phénix de Morgane. Voilà. D'accord. Surtout qu'en plus, ça met un petit peu de lumière dans ce studio tout gris, parce que dehors, ce matin, on avait un grand soleil. Aujourd'hui, là, cet après-midi, il fait gris, il pleut, il fait moche. Donc ça met un petit peu de lumière, c'est sympa. Donc pour nos auditrices et auditeurs qui ne connaîtraient pas forcément les termes utilisés dans ton métier, en faisant mes recherches en amont de cette émission, j'ai vu qu'il y a également ce que vous appelez donc dans le monde de l'esthétique des chablons ou encore des tips. Qu'est-ce que c'est ? Alors des tips, c'est des capsules, des supports plastiques qu'on colle sur le bord libre de l'ongle, on appelle ça, enfin sur le bord de l'ongle, pour pouvoir construire un ongle. Parce que quand on a les ongles courts, en fait, on construit une extension d'ongle. C'est pour ça qu'on appelle ça de la prothésie ongulaire. On construit une prothèse. Donc le tips, c'est un morceau de plastique qu'on colle pour pouvoir faire l'extension. Que les chablons, c'est des feuilles qu'on place en dessous de l'ongle. Et en gel, on construit l'extension nous-mêmes. Moi, je pratique que le chablon. J'utilise pas les tips. D'accord. Je suis perdu. Non, voilà. Est-ce que donc du coup, je vais te demander si tu utilisais ces accessoires. Donc, tu sais ce que les chablons, comme tu viens de le dire. Et quels sont justement les différents accessoires quand il s'agit de peindre des dessins sur les ongles de tes patientes, quand il s'agit de faire du nail art. Quels sont les accessoires ? Alors, juste pour le nail art, c'est juste un pinceau et des couleurs. Pour ce qui est du début à la fin, il y a beaucoup de matériel. Essentiellement des pinceaux et du gel. Il faut des repousses cuticules, des pinces, des ciseaux pour recouper le chablon. Enfin, il y a plein de matériel. Pour le nail art, c'est juste un pinceau et de la couleur, c'est tout. C'est juste de quoi faire un dessin. Comme vous feriez sur une feuille, il faut un stylo et une feuille. D'accord. Et bah, là, il me faut un pinceau et de la couleur. Et un ongle. Et un ongle, oui, bien sûr. C'est même l'essentiel, je dirais. Je pense. Donc, est-ce qu'il y a un accessoire avec lequel tu préfères travailler ? J'ai pas d'accessoire fétiche. Mes clientes, elles aiment beaucoup le pinceau que j'utilise pour dépoussiérer. C'est un petit pinceau, un gros pinceau à la base qui est fait pour mettre la poudre sur le visage. Et il est licorne, donc il y a plein de couleurs. Et il est tout doux, donc en général, je fais un petit supplément, un supplément dépoussiérage parce que c'est tout doux, puis elles aiment ça. Donc si c'est pour représenter un petit peu ma clientèle, ce serait celui-là. Sinon, moi, mon instrument fétiche, j'en ai pas... Je les aime tous, en fait. Ils m'aident à créer des ongles et à rendre heureuses mes clients. Donc, je les aime tous. D'accord. Et en faisant mes recherches, en préparant cette émission, j'ai vu des termes que je ne connaissais pas, du moins pas dans le monde des prothèses ongulaires. Gel, acrygel et résine. Je pense que nos auditrices et auditeurs connaissent les mots gel et résine. Mais dans quel contexte utilises-tu ce gel, cet acrygel ou encore cette résine ? Alors, c'est trois méthodes complètement différentes. D'accord. Je vais commencer brièvement par la résine. La résine, on peut construire déjà une extension d'ongle directement sur la peau. Ça craint rien, ça sèche à l'air libre. D'accord. Et après, on fait tout le travail de construction comme d'habitude. Le gel, il faut forcément qu'il y ait soit une capsule, soit un chablon en dessous pour pouvoir faire une extension. Parce que tout ce que le gel colle. Donc si ça touche la peau, ça colle. Et on ne peut pas catalyser ça sur de la peau parce que ça catalyse en machine, c'est-à-dire ça sèche sous lampe. Contrairement à l'acrylique qui, lui, sèche à l'air libre. Et l'acrygel, c'est du gel qu'on met dans une capsule et qu'on pose sur l'ongle. Moi, j'aime pas forcément parce que ça bave. Enfin, faut savoir l'utiliser. C'est une méthode que j'utilise pas. Il y a plein de méthodes différentes. Et Et dans la résine, le problème, c'est ce qu'on appelle... En fait, c'est un mélange de liquide monomère avec une poudre polymère. Voilà, c'est un petit peu de la chimie. Et le problème, c'est l'odeur du liquide monomère. Moi, j'en ai fait un peu et ça sent très, très, très, très fort. Ah oui. Donc, après, il y en a à odeur réduite, mais moi, je la supporte pas, l'odeur. Et il me semble, je ne sais pas si je me trompe, que maintenant, il y a des réglementations là-dessus, justement, par rapport au liquide monomère. Et l'hiver, c'est juste insupportable. On ne peut pas ouvrir les fenêtres ni rien. C'est pas sain pour la cliente ni nous-mêmes. Mm-hmm. Donc, non, quitte à ne pas se faire de problèmes de santé, je préfère juste faire du gel. C'est très bien. C'est parfaitement adapté. Ça tient très bien. C'est très résistant. Donc, moi, je reste sur le gel sans capsule, sur chablon. C'est très bien. D'accord. Et je crois également... qu'il existe un terme qu'ils appellent la French manucure. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bah, en fait, c'est juste une couleur naturelle posée sur l'ongle et puis un petit bord blanc, en fait, juste pour rappeler le bord libre. Voilà, French manucure, c'est tout simplement une pose naturelle. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas... On peut rajouter un nail art, mais il n'y a pas de couleur spécifiquement, ou alors on peut faire la French en couleur. Enfin, c'est juste le bord libre qui est peint, quoi, d'une couleur ou en blanc. D'accord. Et donc, peut-être que certaines de nos auditrices sont intéressées par la pose de faux ongles, mais ne savent pas vraiment comment ça fonctionne. Donc, peux-tu nous en parler en expliquant la matière des faux ongles, à quelle fréquence la cliente doit les entretenir ? Est-ce que ce temps varie en fonction des personnes ? En quoi est-ce que ça consiste, en fait ? Alors, déjà, moi, j'offre deux prestations d'onglerie. C'est-à-dire que moi, je fais aussi du vernis semi-permanent. Donc, le vernis semi-permanent, c'est juste une base, une couleur, et on remet une finition. C'est sur longueur naturelle, on ne peut pas faire d'extension, parce qu'il n'y a pas de construction. La construction, c'est ce qui va servir à ce que ça ne casse pas, à ce que ce soit résistant, à ce qu'il y ait une épaisseur, etc. Donc, déjà, vernis semi-permanent. C'est la première pose, elle doit durer 20 minutes, une demi-heure, et pour après déposer et remettre... Ça dure environ une heure et c'est à entretenir toutes les 3-4 semaines maximum. D'accord. Le gel, donc, ça dépend. On peut faire avec ou sans extension. Comme j'expliquais tout à l'heure, il y a les prothèses et il y a les filles qui ont déjà une longueur qui ne veulent pas de prothèse. Donc là, dans ces cas-là, on peut appeler ça un gainage aussi, tout simplement. Donc il y a pose sans rallongement et pose avec rallongement. Et dans les cas-là, donc, il y a toujours une construction avec ce qu'on appelle un bombé ou apex. C'est en fait une épaisseur qu'on crée sur l'ongle. Au niveau de la zone de stress, on appelle ça. Enfin, ça, après, faut montrer. Là, à la radio, je peux pas montrer, mais faut protéger l'ongle parce qu'il y a des endroits stratégiques où il y a tendance à avoir des casses, mais des casses nettes qui peuvent dévaster l'ongle. Qui, franchement, ça frite. si je peux parler franchement, ça frite vraiment. Donc, faut vraiment être consciencieux dans ce qu'on fait pour que ce soit une pose qui soit, comment je pourrais dire. Qu'il soit bien exécuté, quoi, pour que tout soit le travail soit optimal. Et ça, la pose avec ou sans rallongement, je dirais sans rallongement, une heure. D'accord. S'il y a du nail art, une heure et demie, il faut compter. Je compte toujours plus large au cas où qu'il y ait quelque chose, une machine qui tombe en panne, qu'il faut changer ou quoi que ce soit. Et une pose avec rallongement entre une heure et demie et deux heures. Ça dépend encore une fois s'il y a du nail art, si les ongles sont très rongés. Parce que là, il y a tout un travail à faire pour la pose du chablon, pour qu'il épouse bien la forme de l'ongle, etc. Alors voilà, il y a plein de méthodes, mais je dirais maximum deux heures dans tous les cas. Même les cils, je ne fais pas plus de deux heures parce que tenir sur une table allongée, les yeux fermés sans pouvoir ouvrir ni rien, je pense que deux heures, c'est suffisant, largement. D'accord. Et je pense que la majorité de ta clientèle sont des femmes, car quand on parle de prothèse ongulaire, je pense qu'on pense forcément à la cliente. Mais est-ce que c'est possible qu'il y ait des hommes qui viennent également te voir pour se faire entretenir les ongles ? En d'autres termes, est-ce qu'il est possible que, bah, tout simplement, des hommes viennent profiter des différents soins ? Alors, moi, je fais pas les soins dans le sens où, ben, j'ai pas le droit, hein, vu que je suis pas formée, j'ai déjà l'entretien des peaux, j'ai pas le droit. D'accord. Mais ça se peut que j'ai un homme qui vienne me joindre pour mettre un durcisseur, par exemple, si ses ongles sont mous ou je sais pas s'il va se marier, lui mettre un petit transparent pour que les photos soient jolies, parce que ben, on prend souvent des photos des alliances ou etc. Sinon, j'ai déjà eu une demande pour une prothèse d'ongle pour un ongle inexistant, sauf que là, dans les cas là, je peux rien faire parce qu'il me faut une base. D'accord. Il faut absolument qu'il y ait au moins un morceau d'ongle. Et sinon, et ben, y a le public homosexuel aussi. Il y a des hommes qui font des couleurs de temps en temps. Ça peut arriver, mais moi, j'ai pas été demandée pour ça encore. Donc, D'accord. Ouais, je suis pas fermée à ça. Moi, peu importe, homme, femme, tout dépend de la prestation qui est demandée. Par contre, l'entretien des peaux, ouais, comme je disais, je peux pas le faire. Ok. Et justement, est-ce qu'il y a des, on en parlait au début de cette émission, des contre-indications pour, par exemple, la pose de faux ongles ou l'entretien des ongles, comme des maladies de peau ou autres, qui te feront dire que tu ne peux rien faire, pour le moment du moins? Bah, comme le psoriasis, hein, ça c'est... J'ai eu plusieurs clientes qui m'ont envoyé des messages en disant « Est-ce qu'il est possible de faire quelque chose là-dessus ?» Mais les ongles s'effritent, donc c'est juste impossible. C'est impossible, déjà, c'est... enfin... Puis on a peur que ça s'aggrave parce que ça fait une infiltration. Si on fait un champignon au-dessus du psoriasis, voilà quoi. Il y a ça. Puis comme je disais tout à l'heure, dans le cadre de la chimiothérapie, dans plusieurs cadres de santé, il y a aussi des fois des filles qui ont de l'eczéma sur le bord des doigts. D'accord. Et il y a une fois, j'ai voulu poser parce que les ongles étaient sains et au final, ben ça a pas fait. Ou il y a des réactions allergiques aussi des fois. Ça m'est jamais arrivé, mais ça peut arriver. Des réactions allergiques après ou après j'ai pas encore assez de recul je pense là-dessus pour vraiment avoir été confrontée à plusieurs cas de figure. J'ai vraiment eu un ou deux cas spécifiques mais pour le moment j'ai pas eu à refuser beaucoup de monde pour des cas comme ça. Quand j'ai le doute, je préfère dire non. Bien sûr. Parce que je veux pas faire n'importe quoi, ou alors je leur dis d'aller consulter un médecin seulement après de venir me voir, mais je demande la preuve par contre. Mm-hmm. Parce que la fille, elle peut me dire si, je peux faire les ongles, et au final, elle peut pas, et on fait n'importe quoi. Hein. Et quelque chose qui est beaucoup demandé et qui pour moi est considéré comme une maladie, c'est ronger les ongles. Il y en a qui les rongent très, très, très, très fort. Des fois, on peut rien faire. Parce que la peau, elle repart dessus et tout, donc faut attendre que ça pousse, faut mettre un petit durcisseur ou quoi, ou alors faire juste sur longueur naturelle et puis qu'elle revienne 15 jours après, revenir entretenir tout ça, quoi. Mmh. Elle entretient, c'est 3-4 semaines. Ouais, 3-4 semaines, des fois j'en ai qui viennent au bout de 5 ou 6, mais bon, dans les cas-là, déjà, un, ça a beaucoup repoussé, donc le bombé, comme j'expliquais tout à l'heure, est plus au bon endroit, donc ça protège plus correctement. Et en plus de ça, les risques d'infiltration et tout ça, parce que le gel, il se décolle, hein, c'est pas éternel, donc... faire très attention. D'accord. Un ou une prothésiste ongulaire peut également travailler en tant que salarié pour un salon de coiffure, un salon d'esthétique ou encore dans des centres commerciaux, par exemple. Oui. Donc, pourquoi avoir pris la décision de te mettre à ton compte et de ne pas travailler en tant que salarié dans un salon de coiffure, un salon d'esthétique ou encore un centre commercial? Est-ce que c'était pour avoir une liberté totale, entre guillemets? Alors déjà, j'aurais pas pu postuler sans diplôme. D'accord. Premièrement. Et deuxièmement, oui. Parce que j'ai ma petite fille de 6 ans. Puis j'ai mes petits soucis de santé aussi à côté où des fois ça demande aussi des rendez-vous, etc. Donc je voulais avoir la liberté de mon emploi du temps pour pouvoir programmer et mes rendez-vous médicaux et m'occuper de ma fille et avoir mon métier à côté. Puis j'aime, c'est pas que j'aime avoir le contrôle, mais j'aime maîtriser moi-même les choses. Comme ça, si jamais il arrive quoi que ce soit, je m'en prends qu'à moi-même, quoi. Il y a personne à blâmer, ni quoi que ce soit. Il y a que moi qui suis en cause. Ou la cliente, hein. Des fois, ça arrive des litiges, hein, comme dans tout commerce. Mais non, oui, pas en salon de coiffure, ni quoi que ce soit. La première expérience que j'ai eue dans ma vie professionnelle, quand j'ai signé un contrat, j'ai été... pour ainsi dire persécutée. D'accord. Par mes supérieurs. Donc j'ai eu une très très mauvaise expérience et à partir du moment là, je me suis dit avoir un patron au-dessus de moi, je pense que ça va être compliqué. Et je suis quelqu'un de très indépendante de base, que ce soit dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle du coup. J'aime bien avoir ma petite tranquillité, organiser les choses moi-même, etc. Puis je veux pouvoir avoir la liberté de dire à une cliente, tiens, ce coup-ci, allez, je te fais 5 euros ou enfin vraiment... faire moi-même, prendre mes initiatives moi-même, avoir ma déco, mon identité, c'est vraiment ce que je recherchais à travers tout ça. Et justement, est-ce que tu penses peut-être à l'avenir prendre une employée ou un employé pour t'aider dans ton travail ou pour l'instant Pourquoi pas, faut voir à l'avenir, faut voir vraiment comment je vais me développer. Déjà là, avec les confinements, etc., faut déjà qu'on reprenne tous nos repères, hein, qui est moi ou d'autres entreprises ou même mes collègues prothésistes qui ont dû fermer, parce qu'on a été catégorisés commerce non essentiel. Donc faut le temps que ça reprenne, faut le temps de voir là en automne ce que ça va donner, etc., les répercussions et tout ça. Et pourquoi pas à l'avenir, si vraiment je vais dire un mot que j'aime pas dire, mais si j'ai trop de succès, j'aurais peut-être pas le choix, parce que clairement faudrait inventer des fois des journées de 50 heures. Ouais. Demain je fais 9h-21h non-stop. Ah oui, d'accord. Ouais, il y a des journées comme ça. y a des journées où il y a quasiment rien, ça dépend de l'emploi du temps des filles, etc. Mais pourquoi pas à l'avenir, oui. Et puis je fais déjà, entre guillemets, je peux pas appeler ça vraiment comme ça, mais des partenariats avec une cliente qui est devenue amie, qui est masseuse, et je suis dans un pôle bien-être justement où il y a plein de praticiennes, donc je les recommande. J'ai fait déjà des journées bien-être dans mon salon où on a été plusieurs prestataires à petit tarif pour faire plaisir à mes clientes et puis aux personnes qui voulaient venir, pour faire découvrir aussi avec des tarifs réduits. Donc pourquoi pas, ou des partenariats ou des choses comme ça à l'avenir, ou oui, une employée, pourquoi pas. Mais alors là, c'est pas gagné pour l'instant, faut déjà se construire soi-même, quoi, puis être sûr de l'avenir. Enfin, on n'est jamais sûr de rien, mais là déjà toute seule, je suis pas complètement remplie au niveau de l'emploi du temps, donc on va attendre un peu. D'accord. Il va bientôt être 14h48. Avant d'aller plus loin à nouveau, je te propose une nouvelle fois de nous lancer dans une nouvelle fréquence, dans une nouvelle pause musicale que tu as choisie toujours et que nous écoutons cette fois. Un de mes groupes favoris également, Linkin Park, Chester Bennington, dont on salue la mémoire également, avec leur morceau Shadow of the Day. Une nouvelle fois, tu es habitué désormais pour donner les petites références. Cette chanson est plutôt typée rock alternatif. Une nouvelle fois, elle est sortie en 2007. Elle est tirée de l'album Minutes to Midnight. C'est le troisième album studio de Linkin Park, sorti le lundi 14 mai 2007. Cette chanson a été nominée dans trois catégories en 2008. Le MTV Video Music Award de la meilleure vidéo rock, le MTV Video Music Award de la meilleure réalisation et le Teen Choice Award de la meilleure chanson de la meilleure chanson rock. Donc on écoute ce titre. N'hésitez pas à vous ambiancer chez vous. D'ailleurs le clip est assez fort de sens quand on le regarde. Et on se retrouve juste après pour la suite et la fin de cette émission. Donc juste après Linkin Park et leur titre Shadow of the Day. Donc à tout de suite. Below the window, Linkin Park avec leur morceau Shadow of the Day sur Radio Gemozo. Et vous êtes de retour, vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur nos applications mobiles et web, Radio Line et Orange Radio partout en France. Nous sommes bien sûr toujours en direct, il est 14h53 et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Morgane Perrault qui est là pour nous parler de son entreprise Rouge Carmin. Tout est toujours bon pour toi ? Oui. Parfait. Donc déjà, avant de te poser ma question phare après une pause musicale, je tenais à te remercier Morgane de m'avoir proposé cette chanson, car je dois bien l'avouer, à titre personnel, ce groupe représente une grande partie de ma vie. Donc merci de ce choix, ça m'a vraiment fait plaisir quand j'ai vu ça. Et puis du coup depuis, j'ai entamé un marathon de leur album. Donc voilà, un nouveau marathon de leur... Enfin c'était, voilà, bref, l'émotion. C'est tous les jours. Voilà. Tous les jours, Linkin Park. Exactement. Maintenant, même question que pour les deux précédentes pauses musicales. Tu es habitué désormais. Pourquoi avoir choisi cette chanson en particulier de Linkin Park ? Parce que c'est toute ma vie, Linkin Park en généralité. C'est Linkin Park, quoi. Je sais pas quoi dire d'autre. C'est un groupe qui a bercé mon adolescence aussi. Et celle-là, voilà, elle a des paroles, quand on regarde les traductions, qui ont correspondu encore une fois à un moment dans ma vie. Donc voilà, Linkin Park encore et toujours. J'aurais pu en mettre une autre, mais je sais pas, c'est celle-là qui... C'est celle-là que j'ai beaucoup aimée, parce qu'elle est douce et puis elle les représente bien quand même. C'est vrai. Hey, c'est ça. Trop d'émotions. C'est ça. Si certaines de nos auditrices ou certains de nos auditeurs veulent également devenir prothésistes ongulaires, quel est le matériel de base pour commencer cette activité ? Ouh là là ! Alors, je dirais déjà beaucoup de produits pour faire tenir le gel, parce que c'est pas que du gel. Une lampe, des pinceaux, du désinfectant, lime, bloc polissoir, coton de cellulose, cleaner. Enfin, il y a une multitude de matériel à avoir, vraiment. Et c'est à force qu'on se dit « Ah, il me manque peut-être ça, il me manque peut-être ça, il me manque peut-être ça ». Au tout début, on commence avec la base et au final, on se rend compte qu'il manque beaucoup de choses. Eh oui. Ça se fait petit à petit. D'accord. Donc, avant de nous quitter, je tenais à rappeler à nos auditrices et auditeurs que nous organisons sur notre page Facebook Radio Gemozo un concours pour vous permettre de remporter une place pour aller visiter les jardins de Westerling situés à l'adresse 16 rue de Ranspar ou Ranspach, je ne sais pas comment ça se dit, 68 470 Usserein. Westerling est pour aller visiter également le parc de Westerling ainsi que son écomusée textile au niveau de la rue du parc en Alsace, bien sûr. Toutes les modalités sont sur notre page Facebook Radio Gemozo. La parenthèse étant désormais close, nous arrivons bientôt à la fin de cette émission. Y a-t-il quelque chose que nous n'avons pas encore abordé mais qui mériterait absolument de l'être ? Alors là, à part que j'ai quelques projets en cours qui sont en train de s'écrire sur papier, donc si toutefois des filles sont intéressées pour venir et découvrir les projets futurs, elles sont invitées à venir me suivre sur Facebook, sur le profil Rouge Carmin ou même la page, il y a les deux, donc... Je partage les mêmes infos sur l'une que sur l'autre. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Prospérité, réussite, que ce soit constant. J'en veux pas trop non plus, mais juste assez pour pouvoir vivre correctement et offrir un avenir à ma fille. Et j'espère un deuxième petit bout, un jour ou l'autre. Et puis voilà, en toute simplicité, sans grosses complications. D'accord. Est-ce que tu as un dernier mot à passer ? Je vous remercie déjà de m'avoir invité. Avec plaisir. Et puis je souhaite à tous ceux qui ont dû fermer malheureusement, etc., à cause du Covid, de s'en remettre. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui ont dû fermer. Et je sais ce que c'est de devoir fermer aussi. J'espère que tout ça va prendre fin rapidement. J'espère que ça va quand même rentrer à peu près dans l'ordre et que le plus mauvais est derrière nous par rapport à tout ça. Et aussi à mes collègues, que ce soit de l'esthétique ou prothésie ongulaire, je leur souhaite encore bon courage parce que pour avancer, on a besoin de concurrence aussi, hein, faut pas croire, hein, on n'est pas les seuls du monde, il y a de la place pour tout le monde. Donc oui, bon courage à tout le monde et puis j'espère pouvoir revenir ici un jour pour d'autres projets. Avec plaisir, avec plaisir. Donc c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Je te remercie une nouvelle fois Morgane d'avoir accepté mon invitation. Cette émission sera rediffusée demain jeudi à 18h avec le podcast de cette émission posté demain sur notre page Facebook dans la journée. Bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Gemozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. En attendant, je vous laisse en musique après le générique avec Lester Young et son titre Polka Dots and Moonbeams, je vais y arriver, avant la rediffusion de l'édition de Fréquence Libre d'hier. dans laquelle je recevais par téléphone, dans le cadre du partenariat qui existe entre Radio Guémozo et l'agence d'artistes Le Bureau de Lilith, Claire Gimat, chanteuse qui était là pour nous parler de son album Sorcière. Quant à nous, nous nous retrouvons lundi à 14h, toujours en direct, pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai par téléphone Guillaume Carax, chanteur, qui sera là pour nous parler de sa carrière. Et toujours, bien sûr, lundi à 8h et 13h30 pour votre chronique hebdomadaire, La Christoire des auteurs, dans laquelle nous continuerons notre voyage hebdomadaire. Notre voyage, je vais arriver, au travers de la vie et de l'œuvre de J.R.R. Tolkien, le créateur de Le Hobbit et de Le Seigneur des Anneaux. Donc merci de votre fidélité à Radio Guémozo et je vous dis à lundi. Donc salut et à lundi.